24 février 2022, commentaire sur l'actualité et même à la fin de l'enregistrement, je prévois faire une petite session de bénédiction. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cet enregistrement audio, je prévois beaucoup de variété, donc de vous amener sur plusieurs terrains, à la différence de d'autres enregistrements que j'ai faits dans le passé qui visaient à aborder en profondeur, en détail, un sujet spécifique. Donc, tout d'abord, par rapport à l'actualité, il est question beaucoup présentement de la possibilité d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, les tensions se font à ce niveau. Et par rapport à la Russie, bon, ben, c'est sûr qu'au niveau politique, elle a intérêt à ce que l'Ukraine soit annexée à elle. Et en même temps, ben, il faut regarder aussi que les pays occidentaux, l'Union européenne, ben, c'est sûr qu'eux autres ont intérêt à ce que l'Ukraine soit avec eux. Donc, il y a comme deux blocs, hein. Il y a un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest. Et l'Ukraine étant entre les deux, bon, ben, c'est un lieu, c'est sûr, au niveau stratégique qui peut avoir être soit qu'elle fait l'alliance avec la Russie, parce que des gens qui sont pro-russes en Ukraine, ou au contraire, elle demeure plus liée à l'Union européenne. Elle va plus aller vers d'autres pays. Donc, par rapport à ça, moi, ce que j'ai à dire, c'est que de regarder qu'est-ce qui se passe sur le plan médiatique. C'est-à-dire que présentement, le nombre de cas liés au virus puis à la vague Omicron diminue. Et là, pour qu'on reste dans un climat de peur, eh bien, on agite la peur d'une guerre là, entre la Russie et l'Ukraine. Et derrière l'Ukraine, des pays comme les États-Unis, le Canada, des pays européens qui soutiendraient l'Ukraine là, potentiellement là, face à la menace russe, et que ça pourrait dégénérer là, éventuellement là, une guerre nucléaire là, entre la Russie et les États-Unis. Donc, on essaie de raviver la menace qu'il y avait qu'au jadis hein, entre le bloc de l'URSS et le bloc également là, de l'Ouest, là, celui américain avec les pays d'Europe et le traité de l'OTAN. Donc, on cherche à raviver cette peur-là, alors que la peur du menace du virus au niveau médiatique diminue parce qu'on est dans une courbe descendante. Donc, on nous dit qu'il y a des courbes à un moment donné, qu'il y a des vagues, ou est-ce qu'il y a de l'augmentation, il y a de la baisse. Donc, c'est ce qu'on nous dit dans les médias. Et ce que j'ai à dire par rapport à ça, bon, mais moi, en tant que tel, est-ce que ça me fait peur? Non. ça m'empêche pas de sourire, ça m'empêche pas de rire, parce que ma façon que je vois ça, à chaque fois qu'on essaie de mettre l'emphase dans les médias sur une tension très grave, eh bien, ce qu'il faut réaliser, c'est que la façon que je vois ça, c'est que si éventuellement il y aurait une guerre entre les pays associés à l'Ukraine, que ce soit le Canada, les États-Unis, d'autres pays européens, versus la Russie, ben, s'il y aurait une guerre nucléaire, il y aura probablement l'intervention d'extraterrestres pour y mettre fin, car l'utilisation massive de l'arme nucléaire perturberait l'équilibre de la Terre, perturberait l'équilibre du cosmos, et les extraterrestres ne voudraient pas perdre la planète. Donc, c'est des tensions qu'on agite. Il faut réaliser que dans le passé, les extraterrestres avaient déjà bloqué, mis en fonction des missiles nucléaires à l'intérieur de silos là, aux États-Unis. C'est documenté par des militaires américains qui étaient là sur place. Souvent, ce que les gens font, ben, c'est qu'ils attendent d'être rendus à l'âge de la retraite pour témoigner publiquement, parce qu'à ce moment-là, bien, ils sont plus en poste. Et c'est sûr que par rapport au Disclosure Project, on en avait entendu parler, fait que les rumeurs de guerre potentiellement qui pourraient déboucher sur une conflagration nucléaire, ça me fait pas peur. C'est un petit peu comme la menace de la Corée du Nord avec l'utilisation possible d'une arme nucléaire qui pourrait attaquer les États-Unis. Ça m'inspire aucune crainte, car Si l'arme nucléaire est utilisée massivement, il y aura sans doute des extraterrestres qui vont intervenir pour ne pas perdre tout ce qui a été développé sur le plan expérimental sur la Terre. Et c'est sûr que si l'utilisation d'armes ou de technologies peut perturber la vie d'autres êtres cosmiques ou d'autres dimensions, ou d'autres, la sous-structure de la réalité par rapport à l'atome, ben, les êtres qui sont menacés par ça sont légitimés d'intervenir. Parce qu'à ce moment-là, le conflit les concerne, dans le sens que ça a un impact concret sur leur réalité, mais tant qu'il n'y aura pas de menace concrète sur la réalité des extraterrestres ou des êtres cosmiques, bien à ce moment-là, ces êtres-là vont sans doute continuer à pratiquer une forme de non-interventionnisme ouvert, dans le sens qu'ils ne se manifesteront pas là, à la surface de la planète. Par contre, s'ils sont menacés directement, ils sont légitimés d'intervenir parce que c'est leur survie qui entre en jeu. Mais tant que c'est la survie d'êtres humains par rapport à d'autres êtres humains, habituellement, ils n'interviennent pas pour laisser l'humanité se développer par elle-même. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, je discutais avec des gens puis ils disaient « Pourquoi, après près de 2 ans de pandémie, il n'y a pas d'intervention extraterrestre pour y mettre fin? » C'est parce que les extraterrestres ne sont pas nécessairement concernés par la nature de la menace. Ça ne perturbe pas leur réalité, qu'est la propagation d'un virus qu'on dit sur Terre là, à grande échelle dans les médias. Donc, quand que je parle comme ça, je fais attention parce que entre ce que disent les médias et parfois entre ce qu'est la réalité, eh bien, c'est deux choses. Donc, on nous dit certaines choses, mais ce n'est pas parce qu'on nous dit quelque chose auquel plusieurs personnes croient que ça veut dire que c'est nécessairement la réalité si on la regarde avec un recul à une échelle différente. Donc, sinon, je voulais attirer votre attention sur le phénomène de priorisation de qu'est-ce qui est important dans les médias en relation avec un conditionnement social. Dans le sens que ce que j'observe au Québec, au Canada, c'est qu'après près de 2 ans de situation de crise sanitaire, eh bien, il y a un effet de fatigue de la population, ce qui était prévisible là, par rapport aux mesures. Donc, une perte de la popularité de l'adhésion d'une partie de la population aux mesures, ce qui a fait en sorte que par rapport au convoi de la liberté qui a eu cours à Ottawa, à Québec aussi, bien, il y a plusieurs personnes qui étaient favorables à ça. Et à ce moment-là, bien, ça va à l'encontre du narratif officiel. Parce que ces gens-là, les médias, les politiciens ont cherché à les diaboliser. Et là, aussi, ce qui arrive, c'est que le nombre de cas est à la baisse. Et là, on attire notre attention sur la possibilité d'une guerre là, importante là, qui pourrait impliquer potentiellement différents pays entre la Russie et également l'Ukraine. Et ce qui arrive, c'est que en termes de priorité, on va mettre l'emphase de plus en plus là-dessus. Puis dans les conversations, ce que je vois, c'est que ça devient comme un sujet prioritaire. Mais le sujet prioritaire est dicté par les médias, dans le sens que si, par exemple, vous écoutez un bulletin de nouvelles et le premier sujet ou l'un des premiers en tête d'affiche, c'est la tension politique entre l'Ukraine et également la Russie. Ou si vous regardez le journal et c'est ce que vous voyez sur la première page, bon, bien, ça dicte l'idée aux gens, ça suggère, ça induit l'idée que c'est ça qui est le plus préoccupant à l'heure actuelle sur le plan international. Donc, on oriente l'opinion publique pour s'intéresser à ça. Et pendant ce temps-là, l'attention est moins centrée sur la crise liée au coronavirus ou aux manifestations qui ont eu cours. Donc, on cherche à réorienter l'attention parce que c'est sûr que la popularité des gens qui s'opposaient aux manifestations, ben, ça va à l'encontre du discours officiel. Donc, il y a certains médias qui peuvent avoir intérêt temporairement à réorienter l'attention des gens pour que l'esprit de contestation à l'égard des mesures diminue et que les gens ne soient plus dans un état de colère, mais plutôt de peur par rapport à la menace d'une guerre potentiellement là, international, là, une conflagration même nucléaire en différents pays qui pourrait en résulter ultimement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ça, c'est qu'on oriente la pensée des gens. Donc, si on pose la question à des gens sur la rue, qu'est-ce qui est préoccupant? Il y en aura sans doute plusieurs qui vont dire « Ah, ben la possibilité d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine. » Donc, On dicte aux gens qu'est-ce qui est important, alors que, puis on oriente l'opinion publique en mettant des priorités dans les bulletins de nouvelles. Et si les gens redisent les mêmes priorités de qu'est-ce qui est préoccupant, que les gens soient d'un camp ou un autre, qu'ils soient en accord ou pas avec la nouvelle, c'est ça qui va alimenter leur esprit, qui va les amener dans un courant de réflexion en relation avec ça. Alors que pour moi, dans le fond, qu'on parle de tensions politiques importantes entre l'Ukraine et la Russie, ça me préoccupe pas à autre mesure. Moi, je vois ça, je regarde Poutine qui dirige la Russie et je le trouve vieux jeu. Parce que l'optique d'envahir un territoire à l'époque du 21e siècle, pour moi, c'est un comportement d'un dirigeant qui est passé date, qui est révolu. Donc, au siècle passé, tu avais, par exemple, Adolf Hitler qui avait envahi des pays voisins en disant « Ah, ben il y a des pro-allemands qui sont dans des pays voisins, qui devraient être annexés, puis que ce soit l'Autriche, etc. » Puis là, à partir de ça, il avait pris de l'ampleur. Puis là, on voit Poutine, il dit « Ah, il y a des territoires... proche de la Russie qui devrait être annexé à la Russie parce qu'il y a des pro-russes, il y a des poches de pro-russes à certains endroits, puis ces gens-là méritent de joindre à la Russie. Donc, ça me fait penser à ce type de tactique-là pour aller chercher de l'expansion, mais l'expansion territoriale avec des gars, avec des soldats, puis des chars d'assaut, pour moi, c'est quelque chose qui est révolu. En ce sens qu'au 21e siècle, avec le développement d'Internet, des nouvelles technologies, du cyberespace, c'est plutôt la guerre cybernétique, c'est plutôt la guerre sur le plan de la réalité virtuelle, les cyberattaques, le cyberterrorisme qui, à mon avis, représente de plus en plus une menace grandissante. Présentement, je suis beaucoup plus préoccupé par la possibilité qu'une puissance mondiale comme la Chine participe à des cyberattaques par rapport à des pays occidentaux ou qu'elle fasse du vol de données, du piratage industriel, que la possibilité d'une guerre sur le plan physique. Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner. Et les guerres ou les vols de données sur le plan numérique, c'est beaucoup plus subtil qu'une guerre sur le plan physique. C'est sûr, sur le plan physique, on voit par exemple des tests de missiles ou des chars d'assaut qui se déplacent, ça attire plus l'attention des médias, des caméras. Par contre, qu'est-ce qui se passe en arrière-scène par rapport à des gens qui sont derrière leur ordinateur, qui peuvent faire des attaques ciblées, par exemple, par rapport à des lieux de production d'usines de centrales nucléaires qui pourraient, dans le fond, empêcher de fonctionner, ou des lieux qui comportent des armes, et ainsi de suite. Donc, bref, mettre en échec la civilisation occidentale comme on la connaît, que ce soit des points d'approvisionnement, etc., c'est plus ça qui me préoccuperait là, comme menace à l'époque actuelle, plutôt qu'une guerre avec des soldats, puis des fantassins, puis des armes à feu, avec des chars d'assaut là, sur un terrain. Là. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que présentement, par rapport à la Chine, si je regarde ce pays-là, parce qu'il y a trois, la façon que je vois ça, là, il y a trois blocs, il y a trois super... puissance présentement à l'échiquier international. Donc, il y a la Chine. Ensuite, il y a la Russie et les États-Unis. La particularité des trois, c'est qu'à un certain niveau, ils sont tous liés avec l'Angleterre. Donc, à l'origine, l'Angleterre a colonisé les États-Unis. Donc, les États-Unis d'Amérique, à la base, c'était une colonie anglaise. Jusqu'au moment de la guerre d'indépendance. Mais encore là, c'est sûr qu'après la guerre d'indépendance, il peut y avoir des agents infiltrateurs liés à l'Angleterre qui ont de l'influence sur les politiques américaines qui ont resté là, donc des antennes sur place. Donc les États-Unis, par leur passé historique, sont liés à l'Angleterre. Ensuite, pour ce qui est de la Chine, eh bien la Chine, comme plusieurs pays dans le monde, comme l'Australie, des pays aussi d'Afrique, un peu partout, a été, dans le fond, sous l'influence de l'Angleterre et, à mon avis, l'est toujours, parce que le comptoir industriel de la Chine, le comptoir maritime, l'endroit où ce que il y a des bateaux. Hong Kong, bon, ben, c'est un lieu où des gens de l'Angleterre ont été. Et c'est sûr que quand on regarde la Chine, bon, ben, ça a eu une incidence au niveau du commerce international, parce que c'est un comptoir d'affaires. Ensuite, par rapport à la Russie, bon, ben, il y avait la Russie des tsars. Et par la suite, à mon avis, avec l'influence de l'Angleterre, des agentures ont amené le développement du communisme en Russie par la suite. Donc, il y a eu Lénine, il y a eu Staline, etc. Et derrière ça, on a l'impression que des pays opposés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, l'Angleterre avait une volonté de coloniser différents endroits dans le monde. Et c'est sûr qu'ils ont des agents de liaison un peu partout. Et on peut avoir l'impression en apparence que certains blocs de pays sont opposés à travers certains propos tenus dans les médias. Mais si on en regarde au niveau financier, si on en regarde aussi par rapport à des liens géopolitiques historiques, bon, ben, on peut faire la liaison à travers de multinationales ou des individus aussi. Donc, je m'inquiète pas plus qu'il en faut par rapport à qu'est-ce qui se passe là, présentement là, en Europe entre la Russie et également l'Ukraine. Par contre, je suis préoccupé par rapport aux technologies de surveillance de l'individu, de contrôle, comme par exemple le crédit social qui existe pour certaines provinces de la Chine, que ça se répande un peu partout. Et aussi la compagnie Huawei, j'ai écouté un documentaire par rapport à elle. Eh bien, c'est sûr qu'elle est liée au Parti communiste chinois. Donc, c'est sûr que si des gens en Amérique du Nord, que ce soit au Canada, aux États-Unis, ont des téléphones de l'entreprise Huawei et que tout ce qui est véhiculé dans les conversations téléphoniques peut être relayé par la suite à la Chine, eh bien, à ce moment-là, ça permet à la Chine d'avoir une ascendance sur les pays occidentaux qui utilisent leur technologie. À travers l'information, donc un adage qui dit que le savoir, c'est le pouvoir. Donc, c'est sûr que si la Chine a accès à plein d'informations qui lui sont relayées de pays occidentaux, de différentes conversations, des mots de passe, des noms d'utilisateurs, etc., surtout avec des téléphones qui utilisent la détection Google, comme par exemple un téléphone ou la détection, pardon, vocale. Si je pense à Google, parce qu'il existe sur des téléphones des applications, comme par exemple, on va dire « OK Google », et là, le téléphone, on peut passer une commande dessus. Donc, le téléphone est fait avec ce type d'application pour écouter continuellement les conversations des gens. Je ne sais pas si les gens sont conscients, parce que si à tout moment, on peut dire « OK Google », puis interagir avec le téléphone, ce que ça veut dire implicitement, c'est qu'à tout moment, votre téléphone intelligent, ce que les Européens appellent un smartphone, peut vous écouter. Il détecte ce qu'il dit, parce que sans ça, il ne pourrait pas reconnaître la consigne OK Google. S'il reconnaît la consigne, c'est parce qu'il est en mode écoute en tout temps, il faut réaliser ça. Et là, si une entreprise comme Huawei, par exemple, a accès à toutes ces informations, puis elle relayait ça avec la Chine, bien là, eux autres, ils ont encore plus de pouvoir pour surveiller les gens à distance, faire de l'espionnage industriel et autres. Donc, la menace par rapport aux pays européens, je la vois plus là-dedans que dans la Russie avec une guerre là, sur un terrain avec des chars d'assaut puis des mitraillettes, là, honnêtement. Là. Donc, c'est ce que je voulais dire. Sinon, ben, les enjeux contemporains au 21e siècle, je vois beaucoup ça lié à la cybersécurité. C'est sûr que je trouve ça drôle au Québec parce que, donc, Éric Kerr est devenu le ministre de la cybersécurité, puis il veut amener le passage à l'identité numérique. Et ça, je trouve ça drôle parce que plus qu'on amène les gens sur le plan numérique, et plus qu'il peut y avoir des attaques sur ce niveau de réalité, et plus que les gens peuvent avoir besoin de cybersécurité. Donc, parler d'un ministère de la sécurité au Québec, comme c'est le cas présentement, on n'aurait pas vu ça il y a 30 ans, ou il y a 100 ans, ou 200 ans. parce que les gens n'étaient pas dans le cyberespace. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'à cause de la pandémie, on a amené les gens à faire de la formation à distance, du télétravail et à normaliser sur plusieurs mois l'idée de passer l'essentiel de son temps sur l'ordinateur pour des raisons de formation, de travail, ensuite de relations amicales. Les rencontres avec les amis, c'était difficile à cause des risques de contamination, donc ça devenait des rencontres virtuelles avec des logiciels facilement d'accès comme Zoom, etc. Donc, plus que les gens sont sur le cyberespace et plus qu'il peut avoir des attaques, puis plus qu'il peut avoir du besoin de cybersécurité. Et à travers le besoin de cybersécurité, bien, ça amène une forme de contrôle des données sur le web, là, naturellement. Et c'est sûr que par rapport à ça, bon, ben, il peut y avoir de l'archivage de données qui se fait par rapport aux différents citoyens canadiens, québécois. Et comme on l'a vu récemment, par rapport à Justin Trudeau, qui a eu l'audace de déclarer la loi sur les mesures d'urgence qui a été adoptée au Canada. Donc, imaginez, on adopte la loi sur les mesures d'urgence qui s'appelait autrefois la loi sur les mesures de guerre, par rapport à la menace de manifestation potentielle à Ottawa, parce qu'au moment que ça a été adopté, dans la ville d'Ottawa, au Canada, il n'y avait plus de camionneurs qui occupaient les rues. Donc, les camionneurs ont été délogés. Et au cas où qu'il y en a d'autres qui se présentent pour manifester, puis on parle de manifestation politique, il a demandé la loi sur les mesures d'urgence et qui lui donne des pouvoirs spéciaux. Et là, on ne parle pas de mesures d'urgence par rapport à une menace terroriste comme l'État islamique, Al-Qaïda. L'attirant de la crise d'octobre de 1970, auquel a été confronté son père, bon, on parlait de la possibilité qu'il y ait des bombes qui soient mises à certains endroits et qu'il y avait eu des bombes qui avaient été mises au Québec dans des boîtes à balles par des manifestants du FLQ, c'est-à-dire le Front de libération du Québec, qui voulait l'indépendance du Québec, se séparer, que le Québec se soit séparé du Canada. Donc, on parlait de ça à l'époque. Et au nom de cette menace-là, il y avait eu les lois sur les mesures de guerre et on avait vu des soldats dans les rues. Et là, on nous parle d'une menace par rapport à des manifestants. Et de ce que j'ai vu, des manifestants, essentiellement, c'est des manifestants pacifiques. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, je trouve ça particulier de sa part. Donc, ça montre à quel point Trudeau est insécure par rapport à la situation. Une chance que ce n'était pas des manifestants qui étaient armés ou qui utilisaient des bombes ou qui avaient une menace terroriste. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait, là. c'est sûr qu'ils ont été rapidement révoqués à 24 heures d'intervalle. Peut-être qu'il s'est rendu compte que c'était ridicule sous la pression populaire d'avoir mis ça en place. Mais quoi qu'il en soit, cette situation a amené un précédent au niveau historique. C'est-à-dire que des comptes bancaires de certains manifestants hostiles au pays du Canada ont été gelés. Donc, l'idée de geler des comptes, eh bien, c'est une idée qui, dans le fond, se fait, qui a été mise en application et qu'on pourrait mettre en relation avec le concept d'identité numérique et de contrôle qui pourrait avoir cours au Canada dans les prochains mois si des politiques qui vont dans le sens du crédit social sont mises en place à la chinoise. Parce que avec le crédit social, on peut empêcher quelqu'un à cause de son identité numérique et le fait qu'il n'y a pas beaucoup de points, par exemple, de contracter une hypothèque ou d'aller prendre l'avion. Et c'est sûr qu'avec le crédit social, ben ça peut être possible, ou l'identité numérique, de bloquer des comptes. Donc, on a induit l'idée, en créant ce précédent, en parlant de la menace des terroristes qui ont été dépeints par lui comme des gens d'extrême droite, des gens racistes, des gens potentiellement dangereux, pour justifier l'utilisation du concept de geler des comptes. Et c'est sûr que dans l'avenir, geler les comptes des gens qui sont opposés au parti libéral ou à leur politique, ça peut être une nouvelle pratique qui peut se mettre en place à travers ce dangereux précédent au niveau historique. Et c'est sûr que Dans le futur, les enjeux vont être beaucoup liés à la sécurité des données, comme je le parlais. Et aussi, la guerre va de plus en plus et les oppositions entre différentes factions se transposer dans l'univers numérique. Et ça nous en donne une idée. Sinon, ce que je voulais parler aujourd'hui aussi, je voulais revenir un petit peu sur les manifestations, parce que bon, les manifestations à Ottawa, les gens ont été, les camionneurs, après plusieurs jours où ils occupaient les lieux de la ville d'Ottawa, ils ont été tassés par les forces policières. Et c'est sûr que par rapport à ça, ce que j'aurais à dire, c'est que ces gens-là ont mobilisé l'opinion publique. Une partie de l'opinion opposée aux mesures, puis j'ai vu, via cette période, un recul des mesures qui sont mises en place là, au Québec, entre autres. Donc, on parle d'un déconfinement progressif. Même chose pour l'Ontario. L'Ontario qui déconfine un peu plus de ce que je vois rapidement que le Québec, où se tenait leur manifestation. Donc, à mon avis, ça a une forme d'incidence qui va à l'encontre des forces mondialistes, qui vont influencer entre autres Justin Trudeau et ses acolytes. Il faut pas oublier que par rapport à Justin Trudeau, il y a une vidéo qui circule là, sur les médias alternatifs à l'effet qui fait partie des jeunes leaders du Forum économique mondial qui est dirigé par Klaus Schwab, qui lui-même a annoncé ça dans une vidéo avec grande fierté sur... en fait, il disait ça sur une vidéo, puis il disait qu'il y avait beaucoup de jeunes leaders du Forum économique mondial dans le Parti libéral du Canada. Donc, Justin Trudeau, à mon avis, est sous influence de mondialistes. Et il va dans le sens d'un agenda. Mais à trop vouloir aller dans le sens de l'agenda, s'il n'est pas à l'écoute de la population, parce que les manifestants, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a discrédités. Pour se les représenter comme étant des interlocuteurs non respectables, hein, en disant ben, c'est des gens d'extrême droite, ils ont des drapeaux nazis, etc. Par la suite, il n'a jamais cherché à prendre en considération ouvertement dans un discours public leurs revendications ou faire des compromis ou les rencontrer ou rencontrer un des organisateurs des manifestants pour discuter avec lui, qui est des interactions, des échanges, une forme de médiation qui s'opère avec ce regroupement. Non. Donc, les manifestants n'ont pas été entendus et ils ont ordonné de partir. Et comme les manifestants ne voulaient pas, puis étaient essentiellement pacifiques, ils ont envoyé la police. C'est sûr que la police, essentiellement, ils ont délogé de manière pacifique. C'est sûr que je peux applaudir la dimension pacifique que l'opération des tassés d'Ottawa s'est faite, dans le sens qu'il n'y a pas eu de balles en plastique qui ont été tirées, de vraies balles. Il n'y a pas eu des gens là, qui se sont mis à frapper sur la foule là, massivement avec des matraques, là, de ce que j'ai vu des médias officiels ou alternatifs. Donc, ça s'est fait de manière beaucoup pacifique. C'est sûr que je pense qu'il est quand même conscient, Justin Trudeau et ses acolytes, que les gens à l'international sont braqués dans beaucoup de cas là, sur ce qui se passe au Canada, qui est un événement historique. Donc, c'est organisé pour qu'il y ait le moins possible de bavures policières, parce que sans ça paraît pas beau au niveau de l'opinion internationale. Et pour ce qui est des manifestants, ben moi, je suis très fier de qu'est-ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont resté pacifiques essentiellement tout le temps. Parce que s'il y aurait eu des manifestants qui auraient pris les armes comme des policiers ou qui auraient cherché à se battre avec eux et que y aurait eu un bain de sang, ben ça les aurait discrédités. Donc, en étant pacifique, c'est celui qui agresse, qui est discrédité aux yeux de l'opinion publique d'un pays ou international habituellement. Donc, à ce moment-là, ben, vu qu'il était pacifique, puis le droit de manifester est un droit constitutionnel en passant, puis Trudeau a cherché à bafouer ça, bon, ben, ça a discrédité Trudeau. Même si les manifestants ne sont pas là, à mon avis, ça a fait perdre des points à Justin Trudeau au niveau de l'opinion internationale par rapport à sa gestion du Canada. Donc, Justin Trudeau nous apparaît de plus en plus comme étant une forme de dictateur, Un peu comme on a au Québec avec François Legault par rapport à ses politiques extrêmement répressives, extrêmement contrôlantes depuis environ 2 ans. Bon, ben, c'est ces gens-là, à travers leurs actions où ils imposent des choses à la population, eh bien, ça les discrédite. Donc, Justin Trudeau qui évoque les mesures d'urgence, quand même que ça soit tombé quelques heures après, ça l'a quand même entaché sa réputation. Donc, quelqu'un qui déclare les mesures d'urgence par rapport à des manifestants essentiellement pacifiques, la personne apparaît ridicule. Tu sais, moi, je trouve ça totalement ridicule et j'ai l'impression que je ne suis pas le seul. Je voulais parler aussi d'autres sujets aujourd'hui, là. C'est le concept de pandémie par rapport à l'Organisation mondiale de la santé. Donc, avant 2009, une pandémie s'évaluait en fonction du nombre de morts par rapport à un virus. Et là, la pandémie s'évalue en fonction du nombre de cas. Et le critère de pandémie est tout le temps nivelé vers le bas, j'ai l'impression. En ce sens que l'Organisation mondiale de la santé, j'ai écouté un reportage récemment, il était question qu'au niveau international, il y avait présentement une épidémie de cas de diabète. Or, le diabète, c'est pas une maladie contagieuse comme celle qui est provoquée par un virus. Donc, on peut parler d'une grande quantité de diabète à l'heure actuelle dans différents pays à cause, entre autres, de l'alimentation en Occident où, bon, l'alimentation n'est pas nécessairement de santé. Il y a beaucoup de sucre ajouté dans plusieurs mets qui sont préparés, et ainsi de suite. On peut parler qu'une grande quantité de cas de diabète, mais à mes yeux, de parler de pandémie de cas de diabète ou de pandémie de cas d'obésité, comme c'était quelque chose qui était contagieux, qu'on pouvait attraper, pour moi, c'est disproportionné. Par contre, c'est utile pour mettre de la pression dans le but que ces situations baissent, diminuent, pour diminuer ça. Donc, c'est sûr que si on met l'emphase sur la dangerosité, l'idée derrière ça au niveau stratégique, c'est d'amener les gens à agir pour mettre fin au diabète, mettre fin aux problèmes d'obésité, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir une stratégie derrière ça qu'on peut dire qu'on fait ça, mais c'est au nom du bien collectif. On parle d'une menace de pandémie, de gens, de cas, de personnes obèses, de diabétiques, et ainsi de suite, pour amener des politiques de santé publique à réduire le nombre de cas, puis on fait ça pour le bien collectif. Mais en faisant ça, c'est quelque chose qui met encore l'emphase sur la peur. Parce que là, après la menace du coronavirus, le nombre de cas diminue, ben on peut parler que, il y a l'émergence de plus en plus de la menace de cas de diabète qui va prendre la relève, où on va jouer sur d'autres menaces pour maintenir un climat de peur. Le climat de peur, ben ça sert à qui? Ça sert à ceux qui dirigent pour justifier certaines politiques qui autrement ne seraient pas justifiées, comme par exemple les gérances de plus en plus grandes dans l'alimentation des gens à l'international. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, de la viande rouge, j'en mange plus. C'est sûr que, bon, ça me touche pas vraiment, mais il peut y avoir des gens à l'international qui vont dire, ben là, à cause, par exemple, des gens qui... Il y a une pandémie de cas de cancer lié à une mauvaise alimentation qui occasionne, entre autres, des problèmes de santé graves, comme manger de la viande rouge. Il y en a qui vont dire que ça occasionne, entre autres, des problèmes au niveau du cancer de l'intestin. Entre autres, ça augmenterait le nombre de cas. Bon, ben à cause de ça, on va mettre en place des politiques qui vont faire en sorte que les gens vont moins manger de viande, puis vont manger plus végétarien, voire manger des insectes comme élément substitut de protéines à la viande parce que ça coûterait moins cher à produire. Il y a moins d'énergie qui serait impliquée. Puis ça serait pour le bien collectif, puis à ce moment-là, donner une plus grande accessibilité à la nourriture. Donc, c'est une façon de voir les choses. Mais tout ça pour vous dire que il y a beaucoup de gens qui cherchent à influencer les autres au niveau international, puis qui croient faire le bien. Donc, c'est ça. Sinon, ben moi, par rapport aux mesures, même s'il n'y a plus présentement là, de camionneurs dans la ville d'Ottawa ou à Québec, moi, j'ai l'impression que les manifestations ont eu un impact parce que c'est drôle, hein? C'est dans la période où ce que les manifestations étaient plus vives qu'on a vu des engagements, que ce soit le gouvernement là, au niveau du Québec, ensuite de l'Ontario, puis d'autres provinces canadiennes pour réduire les mesures. Donc, à mon avis, il ne faut pas sous-estimer les manifestations. C'est sûr que certaines personnes peuvent voir une façon qui n'est pas tellement efficace de canaliser la grogne populaire, la colère des gens par rapport aux mesures qui subissent depuis plusieurs mois, donc les amener à manifester, les orienter sur cette voie-là, alors qu'en réalité, dans le fond, si les mesures diminuent, mais le Québec ou le Canada met en place des lois pour justifier, par exemple, à long terme, le port du masque ou le passeport injectal, eh bien, ces éléments-là ont une grande gravité. Mais c'est sûr que moi, je suis satisfait d'avoir été dans la ville de Québec manifester. Donc, parce que ça m'a permis de m'exprimer, puis ça a été une façon de me déployer. C'est sûr que je ne suis pas présentement au Parlement et je n'ai pas droit de parole par rapport aux projets de loi qui sont mis en place. Par contre, des politiciens opportunistes comme, par exemple, Éric Duhaime, qui voit qu'un mouvement d'une partie de la population qui est grandissant au Québec et qui sont opposés aux mesures, bon, mais lui peut avoir une opportunité pour aller chercher du capital politique par rapport à cette population, puis augmenter le nombre de votes, puis faire pression sur les anciens partis qui sont sur la première place des médias, qui ont leur attention pour les influencer. Et il peut y avoir une influence qui se fait pour que les gens à un certain niveau reculent. C'est sûr qu'idéalement, ben, c'est de manifester pour les gens qui sont opposés aux mesures contre les lois qui pourraient être mises en place pour justifier d'une manière perpétuelle l'utilisation du passeport injectal moindrement que le nombre de cas augmente ou légitimer le port du masque dans les lieux publics, entre autres au Québec. Donc ça, c'est sûr que ça pourrait être des atteintes permanentes à la dimension juridique québécoise si c'est mis en place. C'est sûr que je suis opposé à ces possibilités-là, mais à défaut d'agir là-dessus, ben, en manifestant, ça m'a apporté de satisfaction personnelle. Et ce que je dois dire aussi par rapport à tout ce qui se passe présentement, c'est que d'un côté, je m'intéresse à ce qui se passe dans l'actualité, mais en même temps, je prends du temps pour moi aussi parce que je vois que, à quelque part, on cherche tout le temps à nous garder dans un climat de peur. Donc, dans le passé, c'était la menace du terrorisme international suite aux attentats du 11 septembre. La possibilité qu'il y ait des membres de groupes terroristes, que ce soit en Afghanistan, en Irak. Ensuite, la menace des changements climatiques. Là, c'est la menace du virus, la menace d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et ensuite, on parlera sans doute de plus en plus de menaces à la cybersécurité, d'atteinte à la cybersécurité, pour justifier, entre autres, que les communications sur le web sont de plus en plus contrôlées, que les gens ont une identité de validation pour avoir accès aux réseaux sociaux, pour faire en sorte d'éviter que des gens puissent parler librement. Parce que c'est sûr que si les gens sont continuellement obligés de s'identifier sur le web, bon, ben, il n'y aura plus de lanceurs d'alerte anonymes. Et à ce moment-là, ça va être plus facile aussi de retracer les gens et de contrôler le discours. Parce que c'est sûr que l'un des objectifs des forces mondialistes, c'est la traçabilité totale des objets qui sont vendus dans le monde en implantant potentiellement des codes QR, des puces aussi de géolocalisation. Même chose pour les êtres humains sur Terre. Donc, c'est sûr que dans cette mouvance-là, je serais pas surpris que dans quelques semaines, voire quelques mois, peut-être d'ici l'automne 2022, qu'on parle de l'émergence d'une sixième vague, puis du retour en force du passeport injectal. Et d'ici là, bon, ben la grogne populaire face aux mesures, si on donne un peu de lousse, un peu d'espace dans les prochaines semaines, les prochains mois, bon, ben à la population en général, en disant « Ah, ben on fait un déconfinement progressif au Québec, des différentes mesures, on réduit l'utilisation du passeport, bon, pour diminuer un petit peu la grogne populaire en donnant l'impression qu'on fait un compromis, ben c'est sûr qu'il peut y avoir un retour en force. Puis là, par la suite, il peut y avoir d'autres manifestations, puis un retour en force jusqu'à temps que les gens soient habitués au fil des mois et des années à l'idée que la nouvelle normalité après le début de la crise, c'est que chaque personne a un passeport lié à son identité qui lui permet d'accéder à des lieux publics, donc lié à son identité numérique. Puis là, ça met les bases éventuelles d'un système de traçabilité de chaque individu sur lequel pourrait reposer une forme de crédit social ici en Amérique ou également en Europe, parce que ça fait partie des agendas des forces mondialistes de mettre implanter le plus possible à l'international le passeport numérique pour amener la traçabilité en relation avec la quatrième révolution industrielle dont parle Klaus Schwab, qui est une révolution liée à la gestion des données et l'informatique. Parce qu'il y a eu plusieurs révolutions. Il y a eu l'utilisation de l'énergie de la vapeur, avec le train, hein? Donc c'est une énergie. Ensuite, une autre révolution, ça a été l'utilisation d'électricité. Ensuite, une autre révolution, ça a été l'apparition des ordinateurs. Puis une autre révolution, la quatrième, c'est en relation avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, des algorithmes de plus en plus sophistiqués, la mise en relation des gens avec des machines et éventuellement ce que certains appellent un être humain amélioré, donc un être humain qui serait doté non pas d'un double éthérique, mais d'un double numérique qui se rattacherait à lui. Et éventuellement de faire de certains êtres humains des cyborgs avec des implants de plus en plus sophistiqués au niveau technologique. Donc ça, c'est un autre sujet que je voulais parler aujourd'hui. Et sinon, ce que je voulais mentionner, c'est que la semaine passée, j'avais fait une session de bénédiction, particulièrement où pour la première fois, je visais à bénir ma grand-mère parce qu'en vieillissant, bon, son état de santé se dégradait, donc j'avais fait cette activité mercredi de la semaine passée. Et curieusement, le lendemain, le jeudi, après... Pour la première fois, parce que ça fait plusieurs années que je fais des sessions de bénédiction là, que j'enregistre pour le web, mais ça me disait intérieurement de bénir, particulièrement par rapport à elle. Et le lendemain, le jeudi, j'ai appris qu'elle a tombé par terre. Donc, j'ai une grand-mère qui est âgée présentement de 98 ans. Et c'est sûr que depuis les années est en perte d'autonomie, et plus particulièrement dans les dernières semaines, et bon, elle est tombée sur le sol. Et elle s'est cassée le bras. Donc, la journée d'après. Et par rapport à ça, bon, ben, c'est sûr que dans le fond, dans son, parce que j'ai parlé au téléphone, dans son jargon à elle, ben, j'ai dit que j'allais prier pour elle. Et donc, c'est sûr que ce qui est particulier, c'est que j'ai béni par rapport à elle à une journée avant que j'apprenne qu'un événement significatif qui a un impact sur sa santé s'opère, c'est-à-dire le lendemain, pour la première fois, à ma connaissance, elle s'est cassée le bras. Là, dans le passé, c'était jamais arrivé quand elle tombait. Elle tombait à plusieurs reprises. C'est sûr que certains pourraient dire ben c'était comme inévitable parce que plusieurs fois, elle est tombée. Elle utilise une marchette depuis plusieurs années, mais quand même, des fois, ça lui arrivait de tomber. Là, elle est tombée. Peut-être le fait que j'ai béni, ça a été moins pire que parce que je suis lié psychiquement à elle. Ça fait des années que je connais cette personne, j'ai une relation particulière avec elle et peut-être le fait que j'ai béni, ça a été moins pire, comme j'expliquais à ma grand-mère. Dans le fond, peut-être que c'est moins pire qu'elle est tombée sur le bras, qu'elle se casse le bras, qu'elle tombe sur la tête, qu'elle ait une commotion cérébrale ou qu'elle meurt carrément. Là. Peut-être que ça aurait été plus grave. Mais bref, là, le bras dans le plâtre. Et là, aujourd'hui, je vais faire une autre session de bénédiction par rapport à elle. Parce que, à quelque part, sa situation, c'est sûr, c'est dégradé, là, elle a le bras dans le plâtre, là, puis là, présentement, elle est à l'hôpital. Mais tout en ne m'oubliant pas, parce que quand que je bénis, je fais un investissement éthique, eh bien, je suis conscient que l'impact que ça peut avoir, c'est tout d'abord sur ma personne. Pas qu'une personne, ça a une incidence sur elle à distance, parce qu'on est tous interreliés. C'est possible, mais la personne, tout dépendant de son état de réceptivité, c'est sûr qu'elle peut présenter une opposition psychique par rapport à la nature de la bénédiction qui est faite, tout dépendant de son ouverture de conscience. Il y a différents paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte, bien entendu. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Mais sinon, avant de procéder, je voulais quand même vous parler du paradoxe de ce que j'appelle de la liberté. C'est-à-dire que plus que des gens vont militer pour les droits et libertés sur le plan politique en manifestant, puis plus qu'ils sont occupés à faire ça, puis moins ils ont temps de libre pour jouir de leur liberté. Donc, il y a un paradoxe qui peut s'illustrer. C'est sûr que si la personne passe essentiellement son temps dans l'activisme politique, par rapport auquel j'en ai fait preuve, j'ai été manifesté à Québec, par contre, je ne manifesterai pas à tous les jours. Mais si les gens le font et ont la vibration pour ça, c'est bien correct. Mais je voulais illustrer quand même le paradoxe que plus que les personnes cherchent à manifester puis à s'affirmer politiquement, que ce soit à travers de vidéos sur le web, à travers de signer des pétitions, à travers aussi de convaincre les gens de l'environnement que c'est important, les droits et libertés, ou d'aller à des manifestations en personne. Puis plus qu'elle fait ça, moins elle a de temps libre pour jouir de la liberté. Donc, puis elle devient une personne qui est au service d'une cause. Or, si la personne est au service d'une cause, elle devient un serviteur. Si elle est un serviteur, eh bien, comme l'avait déjà dit le philosophe jovialiste André Moreau, la personne n'est pas un seigneur parce qu'elle est au service. Donc, elle est relative à quelque chose. Alors qu'une personne qui, dans le fond, passe son temps comme un politicien à manifester pour les droits et libertés, c'est sans doute des politiciens ou les activistes les plus engagés qui sont les personnes les moins libres quand leur temps est occupé à manifester ou à s'impliquer dans des actions politiques. Ce qui crée une forme de paradoxe, dans le sens que, je voulais attirer votre attention là-dessus, que à trop vouloir la liberté en s'impliquant, c'est ce qui dépouille précisément l'individu de tant de liberté parce qu'il est occupé. Ce qui m'amène à réaliser que ça peut être intéressant de manifester de manière ponctuelle ou de faire des vidéos une fois de temps en temps, mais pas nécessairement à tous les jours faire des vidéos de type militantiste parce que ça m'accapare du temps. Puis le temps que j'utilise pour ça, je n'utilise pas pour jouir de ma liberté comme en allant m'entraîner physiquement, en faisant de la méditation, du yoga, donc d'autres types d'activités, voire même des activités plus de bénédiction. Bénédiction, la façon que je l'entends ici, c'est dans le sens d'utiliser ma puissance de volonté pour commander à l'univers des choses, en partant du principe que je ne suis pas séparé de l'ensemble de l'univers et tout est interrelié. Donc, quelqu'un à distance peut avoir un impact sur moi au niveau psychique et moi, je peux avoir un impact sur la personne. Puis des fois, on observe des situations particulières, là, comme Justin Trudeau qui met en place la loi sur l'état d'urgence, des mesures d'urgence, puis dans un intervalle de 24 heures, il change d'idée. Bon, ben, c'est sûr que si le gars, il met ça en place en disant « la situation est grave », puis il fait adopter la loi au niveau du Parlement fédéral, puis quelques heures après, « ah non, non, la situation finalement est sous contrôle », qui change aussi rapidement son fusil d'épaule, ça montre qu'il est sous influence, ce gars-là, parce que ça crée une forme d'incongruence. Tu sais, tu peux pas mettre en place une mesure aussi drastique puis la changer quelques temps après. Pour moi, c'est un ridicule total. Et ça montre que quelque part, cet homme-là manque de centricité. Et pour avoir de la centricité, ben, on peut la bénir. C'est-à-dire, on peut utiliser notre volonté pour constituer notre être. C'est sûr que je pars du principe que les bénédictions, je vais mettre l'emphase par rapport à ma personne, parce que c'est sur cette dernière que j'ai le plus de pouvoir d'agir, le plus de pouvoir d'influence. Donc, le pouvoir d'influence intra-psychique, c'est-à-dire influencer le fonctionnement de mes organes, ensuite, que ce soit ma circulation sanguine, que ce soit ma peau, bon, ben c'est ma psyché qui est relative à mon corps biologique qui va avoir plus d'impact. Ça peut être possible aussi d'avoir une incidence sur des gens à distance, parce qu'après tout, il y a des gens qui font des traitements énergétiques, et c'est en relation avec l'ouverture de la personne aussi à distance. Si, dans le fond, je discute avec ma grand-mère, et elle me dit que elle veut que je prie pour elle, pour employer un terme qu'elle connaît. Je ne vais pas parler nécessairement de bénédiction parce qu'il aurait fallu que j'explique en quoi ça consiste et je ne voulais pas m'étaler dans des considérations qui soient très longues au téléphone avec elle, étant donné qu'elle est en période de rétablissement suite à la chute qu'elle a faite. Bon, ben si elle est ouverte à ça psychiquement, ben à ce moment-là, il y a une disponibilité de sa part à recevoir quelque chose qui émane de moi. Et ça tombe bien parce que le concept de bénédiction s'appuie sur une conception immanentiste du monde, c'est-à-dire que l'absolu est immanent relatif, comme le mentionnait André Moreau, c'est-à-dire que nous sommes en contact avec la totalité de qu'est-ce qui existe. Et si on le prend au niveau de la physique quantique, c'est la même chose, on est en contact avec le champ de réalité quantique. Donc, comme ma grand-mère est disponible à une influence que je peux exercer sur elle à distance, avec un consentement de sa part qui est obtenu via conversation téléphonique, ben, je vais en profiter aujourd'hui pour faire une bénédiction par rapport à ma personne, parce que la personne sur laquelle vous pouvez avoir plus d'impact, puis vous cohabitez là, 24 heures sur 24, c'est vous-même. Donc, l'état de qu'est-ce que vous nourrissez psychiquement par rapport à vous, une très grande incidence. La façon que vous vous représentez psychiquement, la façon que vous composez avec la pensée dans votre conscience, entre autres, beaucoup d'impact. La façon que vous orientez votre énergie psychique par rapport à votre personne est fondamentale. Par rapport aux autres, par rapport au monde aussi, ça prend une certaine incidence. Donc, et c'est la raison pour laquelle des bénédictions qui peuvent impliquer des gens à distance, des individus, des situations, des événements ont une certaine influence. C'est sûr que, dans le fond, il y avait des gens qui bénissaient ou priaient pour que ce soit des manifestations pacifiques à Ottawa et que l'issue soit pacifique. Ce que je peux dire, hormis quelques bavures policières qui ont eu cours pour déloger les manifestants, mais essentiellement, que ce soit du côté des manifestants ou des policiers, en général, ça a été extrêmement pacifique la façon que cette crise sans précédent a pris fin à Ottawa. Donc, mais il y a eu des baveux. C'est sûr qu'on a vu, entre autres, le policier là, qui a fait éclater une vitre de voiture où il y avait un manifestant. Ça a été filmé puis relayé à l'international parce que le gars, il était dans son auto. Il n'était pas, dans le fond, en train de menacer le policier avec une arme à feu, une arme blanche ou essayer de le frapper. Non, non, il était tranquillement dans son auto. Le policier a demandé à la personne de sortir. La personne ne voulait pas. Bon, mais le policier a défoncé la vitre d'auto pour sortir la personne. Donc, c'est sûr que la police a mal paru parce que cette image a été véhiculée un peu partout. Ça a véhiculé l'idée d'utilisation d'une force disproportionnée par rapport à une personne qui manifestait, somme toute, pacifiquement en état de résistance. C'est sûr qu'il résistait à l'influence de la police. Et à ce moment-là, ben, le policier, ça l'a fait mal paraître de par son agissement. Donc, peut-être que les manifestations du futur vont s'inspirer de la résistance pacifique que faisait entre autres Gandhi en Inde. Donc, ça, c'est une possibilité, mais moi, je continue de bénir les manifestants au Canada, là, qu'il y ait d'autres manifestations à Ottawa ou à Québec après le convoi de la liberté pour que tout se déroule dans le calme et la paix. Et sinon, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans les prochaines minutes, je vais procéder à une session de bénédiction. Donc, s'il y en a parmi vous que ça intéresse, eh bien, vous êtes les bienvenus pour vous joindre psychiquement à moi. Donc, pour que, à quelque part, si vous joignez à moi, ben, vous pouvez bénir aussi des choses par rapport à vous. Et c'est sûr qu'en faisant ça, ben, à quelque part, ça nourrit psychiquement les éléments qu'on veut qui se déploient dans la réalité. Donc, au lieu de subir un conditionnement médiatique qui cherche à nous amener à produire de la peur, donc à être des vaches à lait médiatiques qui sont alimentées et nourries, un peu comme des vaches qui sont nourries en herbe pour produire par la suite de la peur, avec la menace d'une guerre qui implique l'Ukraine et la Russie, vibrer à la peur du virus, la peur de la menace terroriste, la peur des menaces du changement climatique, ben on peut vibrer à d'autres choses. On peut, dans le fond, mobiliser notre énergie par rapport à d'autres éléments. Et c'est là que le rôle de la conscience individuée est fondamental, c'est-à-dire d'utiliser notre volonté personnelle pour déployer psychiquement ce qu'on veut, puis agir en conséquence. C'est sûr, si la personne veut être en santé, ben c'est bien de bénir sa santé, mais c'est bien aussi de bénir, d'agir, en congruence, c'est-à-dire s'entraîner physiquement. Il faut que la pensée, la parole et l'action soient harmonisées pour qu'il y ait une congruence qui s'installe, c'est-à-dire une unité. Donc, là, je vais arrêter ma mise en contexte. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis parti pour parler longtemps. Et là, je vais vous proposer pour les gens qui continuent d'écouter l'enregistrement présentement et qui ont envie de procéder à la bénédiction, eh bien, de fermer les yeux, de vous déposer intérieurement de toute votre masse intrique en tant qu'être. Ensuite, de prendre des grandes inspirations et expirations lentement. Vous pouvez en prendre plusieurs en vous asseyant naturellement dans un endroit où vous allez pouvoir être calme dans les prochaines minutes, un endroit paisible, un endroit propice à l'intériorisation, un endroit propice à la centration de votre énergie et de son déploiement dans votre personne et dans le monde. Donc, vous pouvez encore prendre des grandes respirations en vous installant dans un lieu, comme mentionné, qui est calme et à présent en détendant chacune des parties de votre corps. Vous pouvez à présent détendre vos épaules, votre dos, vos fesses, vos cuisses. Vous pouvez les investir de la présence de votre être pour qu'il soit investi d'une énergie qui soit calme, propice à l'intériorisation grandissante. Et à présent, vous allez utiliser votre volonté pour bénir ce que vous voulez. Et vous pouvez bénir à ma suite les éléments que vous jugez pertinents. Donc, je bénis à présent ma santé pour qu'elle soit florissante. Je bénis ma capacité à être centrique par rapport aux événements qui se déroulent dans le monde, par rapport à la propagande médiatique, par rapport à la propagande gouvernementale. Je bénis ma capacité à regarder les événements internationaux avec une grande altitude. Je bénis par la suite ma tête pour qu'elle soit investie d'une énergie régénératrice. Je bénis l'harmonisation parfaite de mes deux hémisphères cérébraux pour être capable de les utiliser d'une manière optimale. Je bénis la croissance de mon intelligence au fil du temps. Je bénis mes capacités intellectuelles, capacités d'évaluation, d'analyse, de synthèse, tout en bénissant simultanément mes capacités intuitives, mes capacités médiumiques, mes capacités de captation des énergies subtiles derrière les événements, les situations, les individus. Je bénis l'unité de ma conscience. Je bénis ma capacité de savoir de manière instantanée ce que j'ai besoin de savoir. Je bénis ma connexion psychique à mon être qui est branché sur la réalité totale. Je bénis ma capacité de compréhension des différentes langues qui existent dans le monde. Je bénis ma capacité d'expression. Je bénis ma capacité de m'exprimer avec clarté, précision, simplicité également. Je bénis ma capacité à être capable de vulgariser l'information à chaque fois que c'est requis dans mon quotidien. Ensuite, je vais bénir mon front, mes yeux. Je les investis d'une présence particulière pour avoir une présence dans le regard qui me permet de capter l'essence des individus que je rencontre et l'essence aussi des choses que je vois dans le monde. Je bénis ma capacité de perception vibratoire, ce que certains appellent le clair-voir, pour voir avec clarté les éléments qu'on peut chercher à m'occulter à travers la propagande. Je bénis mon nez, ma capacité d'inspirer et d'expirer. Je bénis ma bouche. Je bénis par la suite ma gorge. Je bénis mon parle-être, cette belle expression qui vient d'André Moreau, c'est-à-dire de parler en étant l'expression de l'être qui est nous sur le plan multidimensionnel, ce que certains peuvent appeler la parole chargée d'énergie, la parole vibratoire. Je bénis ma capacité à utiliser la parole pour créer des ajustements vibratoires aux besoins. Ensuite, je vais bénir l'intérieur de ma gorge. Ensuite, ma colonne vertébrale. Pour avoir une bonne posture dorsale, avoir le dos droit, donc je peux bénir la posture dorsale pour qu'elle soit adéquate et le rappel à moi-même pour avoir une posture qui se maintient d'une manière adéquate dans mon quotidien. Parce que, comme plusieurs personnes sans doute qui m'écoutent, je peux passer plusieurs heures à être assis devant l'ordinateur. Et c'est sûr que ça demande une vigilance constante pour maintenir une posture dorsale adéquate en passant du temps devant l'ordinateur. Ensuite, je bénis mon système nerveux. Ensuite, je visualise que je descends mon attention à l'intérieur de ma colonne vertébrale pour favoriser sa régénération comme les différents organes qui constituent mon corps biologique. Donc, je peux visualiser que tout d'un bloc, maintenant, je les investis d'une lumière blanche qui est propice à leur santé, tout en simultanément apportant mon attention particulière sur des zones localisées du corps. Donc, je commençais en partant du haut, c'est-à-dire la tête, et là, je passais à travers la gorge. Et par la suite, je suis en train de descendre dans les colonnes, la colonne vertébrale, mon attention, en passant en revue les différentes vertèbres qui s'y trouvent. Et par la suite, je vais me rendre aux poumons pour les investir de lumière. Je bénis la capacité de mes poumons d'absorber l'énergie qui est présente dans l'air, de m'en nourrir, de m'alimenter de ce que certains appellent le prana, donc l'énergie qui sous-tend la réalité qu'on peut percevoir. Donc, on a l'impression qu'on est entouré de vide, mais en réalité, nous sommes entourés d'énergie qui est là, en suspension dans l'environnement. Donc, je bénis ma capacité à m'en alimenter. Par la suite, je descends mon attention pour la tourner vers mon cœur. Donc, je bénis mon organe cardiaque pour qu'il fonctionne adéquatement. Je bénis ma capacité à gérer le stress, car les tensions, ça peut avoir une incidence sur le rythme cardiaque. Des fois, quand les gens sont tendus, bien, le rythme cardiaque devient irrégulier par rapport à une période de stress importante. Donc, je bénis la cohérence de mon cœur, que les mouvements produits par mon cœur soient fluides, cohérents. Je bénis mon calme interne. Je visualise que présentement, un courant d'énergie lumineux participe à la régénération du circuit interne de mon cœur pour favoriser sa santé. Puis rattaché au cœur, ben, on va associer ça à l'amour. Donc, je bénis ma capacité à aimer. Donc, à m'aimer tout d'abord. Et aussi, être capable d'aimer en général. Aimer la beauté d'un coucher de soleil que je peux observer. Aimer des gens qui m'entourent en faisant preuve de respect par rapport à eux. En les investissant d'amour et en me rappelant qu'en investissant des gens d'amour, c'est une partie de moi-même que j'investis d'amour, car en réalité, il n'existe qu'une seule chose dans l'univers et nous sommes tous interreliés. Donc, plus particulièrement, dans le cadre de cette session de bénédiction, je vais bénir avec amour ma grand-mère en l'investissant de lumière, d'un calme pour faire face à la situation difficile qu'elle connaît, c'est-à-dire qu'elle a à connaître une situation de rétablissement là, suite au fait qu'elle s'est cassée le bras, son bras est dans le prâtre. Donc, je bénis la cicatrisation de son bras pour qu'elle s'effectue d'une manière efficace. Je visualise présentement que le bras où elle a tombé est investi d'une lumière qui va accélérer le processus de sa régénération. Et comme elle est consentante pour que, à quelque part, je prie pour elle, pour moi, la bénédiction, ben, certains peuvent... Ça va dans le sens de la prière. C'est sûr que j'invoque pas un Dieu transcendant, mais je suis plutôt appel à mon être immanent pour œuvrer, mais tout dépendant comment on prend la chose. C'est un petit peu comme quelqu'un qui fonctionne avec un système bêta ou VHS pour les gens un peu plus âgés qui ont connu ces deux technologies qui ont été utilisées là, il y a plusieurs décennies. Modèles pour faire une comparaison plus récente entre le PC et le Mac au niveau informatique. Donc, vous avez, c'est comme deux superpuissances, une façon de codifier l'énergie. Ben, c'est la même chose entre la prière et la bénédiction. On prend la chose d'une différente façon, sauf que dans la prière, on va invoquer un Dieu qu'on se représente comme étant plus vaste que nous-mêmes et dans une perspective de bénédiction. On fait référence à la grandeur en soi pour rayonner dans le monde, ce qui n'est pas pareil. Il y en a un, on s'appuie sur un Dieu, puis l'autre, on s'appuie sur nous-mêmes. Et on peut s'appuyer sur notre être en tant qu'absolu, en tant que réalité multidimensionnelle pour investir une réalité particulière de lumière. Et par rapport au cœur que j'investis présentement de lumière, de santé, eh bien, par la suite, une fois qu'il est rempli d'énergie, je visualise que l'énergie descend à son sein, elle circule librement, elle alimente cette zone corporelle adéquatement. Je représente par la suite que ma conscience va descendre dans mon corps pour aller au niveau des reins. Donc, je visualise que mes reins sont investis présentement d'une énergie régénératrice, une énergie d'amour qui les remplit, qui les alimente en énergie, comme tout mon corps biologique. Je visualise que mon intention, c'est psychiquement d'amener mon corps dans un état de santé optimal et que dans les prochaines minutes, je laisse l'énergie s'opérer en moi, c'est-à-dire que je procède à un laisser-être global se rapportant à ma personne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais inspirer et expirer en laissant l'énergie m'investir et opérer et aller dans les zones de mon corps qu'elle évalue, qu'elle a le plus de besoin d'y être. Donc, j'inspire et j'expire. Donc, je vais le faire encore une fois, où je vais inspirer, puis je vais expirer en ayant une intention de conscience accompagnatrice du vécu de la respiration pour amener l'énergie à aller où ce que c'est des ondes un peu plus fragiles s'y rendre dans mon corps biologique. Donc, je fais ça maintenant en inspirant et en expirant. Je vais faire ça une troisième fois en inspirant encore une fois. Et ensuite, en expirant. Je visualise maintenant que je baigne dans l'énergie et que je reprends mon circuit d'exploration et de présence aux différentes zones corporelles. Je partais du haut vers le bas, donc je t'ai rendu à la hauteur des reins. Donc les reins sont associés à la capacité de filtration. On peut les lier psychiquement à la capacité de filtration du subtil de l'épée, c'est-à-dire du discernement. Donc, les reins doivent filtrer les éléments qu'on absorbe et également, ben, psychiquement, ben, on a à filtrer les éléments qu'on peut absorber de l'environnement, entre autres de l'influence médiatique ou publicitaire. Donc, tous les éléments auxquels on est exposé, que ce soit par la télévision, le web, la propagande et ainsi de suite. Donc, je bénis ma capacité optimale de filtration psychique pour me permettre de faire la distinction entre le subtil et l'épais, entre ce qui participe à ma croissance ou non. Après avoir descendu au rein, on continue le parcours vers le bas de la colonne vertébrale que j'investis toujours d'une conscience soutenue de lumière. Donc, j'investis ma colonne vertébrale d'une énergie lumineuse, apaisante, calmante, régénératrice. Et par la suite, après les reins, bon, il y a le foie que j'investis également de lumière. Ensuite, l'organe sexuel pour qu'il soit en santé, pour qu'il soit capable aussi de me permettre d'expérimenter des orgasmes qui participent à m'aider à jouir de la vie de plus en plus. C'est bien de bénir sa capacité de jouissance. C'est sûr que les gens qui sont spirituels, détachés de la sexualité, peut-être qu'ils n'aimeront pas ça. Mais si vous procédez à des bénédictions intégrales de votre corps, ça peut impliquer, comme ça avait déjà fait rire beaucoup le philosophe journaliste André Moreau, de bénir l'anus. Donc, il y a des gens qui protestaient à son égard, parce qu'il parlait de bénir l'anus, son anus. Mais je suis de son avis. Toutes les zones du corps, on peut les bénir, dont l'anus. On peut bénir la capacité à déféquer. Quelqu'un, par exemple, qui a des problèmes d'intestin, ben, c'est sûr qu'il peut bénir le fonctionnement adéquat des intestins, et ainsi de suite. Bénir sa joie de vivre. Bénir sa capacité de jouir des différents organes corporels, que ce soit les perceptions visuelles, auditives. C'est vrai, tantôt, je n'ai pas béni les oreilles. Bon, mais je peux bénir ma capacité d'être à l'écoute des gens de l'environnement, tout en faisant preuve de discernement. Puis, il y a différentes zones qu'on peut bénir. Donc, j'essaie d'aller à l'essentiel à travers l'enregistrement pour pas qu'il dure non plus pendant 4 heures de temps, là, naturellement. Donc, après avoir béni l'organe sexuel pour qu'il soit dans un état de santé optimale, on peut descendre l'attention pour bénir par la suite les cuisses, les genoux, les jambes, en imaginant que du haut du crâne vers le bas du corps, c'est-à-dire les pieds, descend une énergie de plus en plus, qui circule, propice à la santé. Et à présent, on peut visualiser que l'énergie circule dans tout le corps librement. Donc, librement à travers le réseau sanguin, ensuite à travers le réseau intestinal, parce que les intestins sont quand même assez longs. Donc, on peut visualiser une libre circulation de l'énergie partout à travers l'organisme humain. Et on peut visualiser que l'énergie sort par les pieds, en dessous des pieds, plus spécifiquement, pour diriger vers la terre, vers le monde. Par la suite, on peut bénir, c'est sûr, l'abondance dans sa vie, Ça peut être l'abondance de temps libre, de temps pour profiter de marche en nature, d'avoir du temps ensuite pour méditer, pour faire du yoga, pour faire du tai chi, donc différentes activités de mieux-être, advenant le cas. Si on va avoir plus de temps, on peut bénir par la suite l'abondance financière. On peut bénir naturellement l'intelligence, ensuite l'amour et aussi la puissance de volonté et la capacité de bénir, c'est-à-dire de commander à l'univers pour qu'elle soit de plus en plus grandissante au fil du temps qu'on va procéder à des sessions de bénédiction, qu'il y a un effet d'amplification qui s'opère avec le temps. On peut bénir par la suite l'ajustement de la conscience à l'être, c'est-à-dire à soi au niveau de l'absolu. On peut bénir la paix psychique en soi et chez les gens de l'environnement. On peut bénir l'équilibre énergétique parfait du corps biologique. On peut bénir notre capacité de rire, notre capacité de jouir. Car si nous sommes sur la Terre et que nous vivons sur cette planète, pourquoi pas profiter de notre passage éphémère sur le plan biologique pour avoir un maximum de plaisir? Donc, être capable d'en profiter, un peu comme quelqu'un qui fait un voyage, c'est sûr qu'on peut se mettre dans une disposition psychique pour nous amener. Être capable de célébrer notre existence, de la savourer pleinement, de vivre dans la joie. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle, ces temps-ci, je me sens très près de la philosophie jovialiste qui met l'emphase sur la joie, l'esprit de la fête, le bonheur, qui a été développé par André Moreau, qui me permet de me sentir davantage bien que d'écouter des journalistes, des commentateurs politiques qui mettent l'emphase sur la peur, qui cherchent à véhiculer. Il faut être capable de s'avantager, puis d'être capable de rire de l'absurde auquel on est confronté dans le quotidien. Être capable de prendre la vie en riant. Et c'est sûr que comme on est en période toujours qu'on nous dit de pandémie selon les responsables de la santé publique ici au Québec, alors que le nombre de cas a vraiment diminué là, lié au virus, ça demeure quand même pertinent, à mon avis, de bénir son système immunitaire. Et notre immunité, on peut bénir aussi notre immunité psychique. Donc, pour que notre psyché ne soit pas perturbée par les gens qui manquent d'ajustement dans les médias ou dans l'environnement ou des politiciens. Je vais bénir ensuite la capacité de rayonner de l'énergie, que ce soit par mes yeux, que ce soit par mes mains, que ce soit par ma parole, et d'investir le lieu que je vis, mon domicile, d'une énergie rayonnante, d'une énergie d'une grande beauté, d'une énergie qui est propice à ma santé, qui propice également la santé des gens qui entrent dans mon domicile. Je visualise présentement l'air du lieu où je me trouve, au moment où je fais cet enregistrement, c'est-à-dire mon domicile, comme étant chargé de l'énergie être-ique, de l'énergie qui est propice à la restauration psychique, la créativité, l'imagination créatrice. Une énergie qui est propice à sortir du conditionnement mental pour me donner accès à des idées nouvelles. Je bénis ma capacité à accéder à des activités nouvelles qui vont m'améliorer, m'avantager. Je bénis ma capacité à accéder, entre autres, à de l'intelligence pratique pour optimiser davantage ma gestion que je vais faire, que ce soit ma dimension financière, mes loisirs, pour rendre ma vie encore plus agréable. Que ma vie soit de plus en plus dans un état propice à vivre la plénitude au quotidien, c'est-à-dire à être pleinement moi-même, Je bénis mon identité divine. Je bénis mon identité être. Puis par la suite, je voulais quand même revenir par rapport à ma grand-mère qui est en rétablissement pour prendre un instant pour visualiser un traitement énergétique à son égard à distance à partir de mon énergie, de mon être, étant donné qu'elle est, elle a une ouverture par rapport à moi, en visualisant sa personne qui est investie par l'énergie régénératrice qui la pénètre de plus en plus et qui l'installe dans un état de paix pour faire face à la situation présente qui lui a créé un choc, qui lui donne un apaisement, une centricité, un état de bien-être. Je visualise qu'elle baigne maintenant dans la joie. Comme moi-même, l'idéal, c'est de faire ce qu'on, aux autres ce qu'on veut soi-même qui soit fait sur nous. Dans le sens que si, par exemple, quelqu'un bénit pour qu'une autre personne soit dans la joie, dans l'amour, alors à se poser la question, est-ce que moi, j'aimerais qu'il y ait un retour en ce sens par rapport à moi? Et si la réponse c'est oui, bien c'est intéressant de le faire. Parce que moi, c'est sûr que si je bénis pour que l'autre soit dans la joie, dans le calme, puis je veux être moi-même dans la joie puis le calme, c'est parfait. Par contre, si quelqu'un au contraire maudit, par exemple un politicien, pour, dans le fond, que le politicien souffre, que le politicien soit torturé par des manifestants, si la personne maudit, est-ce que la personne aimerait subir un sort similaire? Bien, c'est là la question à se poser. Et c'est pour ça que l'utilisation de la bénédiction, dans l'optique que je la fais, pour opérer mon rapport à la réalité, c'est toujours en relation avec une optique de faire des choses qui sont souhaitables par rapport à ma personne si ça implique d'autres personnes. Donc, si j'ai un contre-coup à vivre par rapport à des bénédictions, puis je bénis la santé d'une personne, bon, bien, si le contre-coup, c'est que je suis davantage en santé parce que je subis l'élément qui est invoqué, bon, bien, c'est un contre-coup qui va être agréable, comme on dit. Donc, sur ces considérations, je vais continuer par rapport à ma grand-mère pour procéder à un investissement d'énergie important en continuant de visualiser, en maintenant une attention soutenue par rapport à elle. Donc, je me représente mentalement en train de rire, en train d'être en paix, en santé, dans un état de cohérence psychique qui facilite sa capacité à composer avec l'événement que représente la chute qu'elle a vécue, je la représente maintenant baignant dans la joie, la lumière, et simultanément, je me représente mentalement baigné dans la joie et la lumière, et j'invite les gens qui le désirent à se représenter également, mentalement, en train de baigner dans la joie et dans la lumière. Et pour toutes les personnes qui en ont envie, je propose de bénir de votre capacité à conserver, rendue une fois à l'âge adulte, la capacité de vous émerveiller, de jouer, un peu comme un enfant qui s'amuse, qui est capable de rire tout seul parce qu'il est dans l'esprit du jeu, il est dans l'esprit de la fête. Donc, pourquoi attendre le jour de son anniversaire pour fêter ou de fêtes qui sont programmées socialement alors qu'on peut être dans l'esprit de la fête à tous les jours de l'année? Il suffit de le décréter arbitrairement. Et les politiciens sont des spécialistes dans l'art de décréter arbitrairement. On l'a vu depuis environ 2 ans. Que ce soit par rapport aux politiques au Canada et dans d'autres pays où il y a eu des mesures qui ont été mises en place d'une manière totalement arbitraire, de façon purement politique, en ne s'appuyant pas sur la science, en relation avec la gestion de crise. Donc, si eux autres peuvent le faire, pourquoi pas nous par rapport à nous? Donc, je décrète arbitrairement que maintenant, en le décidant consciemment, que je m'installe de plus en plus dans un état de bonheur, dans le rire rédempteur, dans une joie de vivre grandissante. Et par la suite, je termine cette session de bénédiction en bénissant naturellement ma capacité de bénir pour qu'elle soit toujours grandissante dans le temps, advenant qu'il y ait d'autres sessions de bénédiction un peu plus tard. Et c'est sur ces considérations que je vais clore présentement donc cet enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.